Salut à toutes et tous, la tribu. Je vous souhaite la bienvenue à bord de cette 45e Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Au programme ce soir, punk, rock, reggae, heavy metal, ska et dub. On commencera avec Amon Amarth et Guardians of Asgard, c'est sur Twilight of Thunder God, sorti en 2008. On entend aussi Free Will Sacrifice, Where is Your God et The Hero, entre autres. On continuera avec Is It a Dream de The Damned, c'est sur le superbe Phantasmagoria, sorti en juillet 1985. On retrouve aussi Street of Dreams, Trojans et The Eighth Day. Notamment, si on s'écoutait un Bob Marley en live, ok? Ce sera Rebel Music, c'est aussi le titre d'une compile de morceaux sortie en 1986 et réédité et enrichi en 2002. On peut entendre aussi Rat Race, un inédit Root et Crazy Ball Dead, entre autres. Je passerai ensuite On est tous des acculés d'OTH, c'est sur Réussite, sorti en 1984. On retrouve aussi Jusqu'à la fin de la nuit, Les araignées ne dorment jamais et le grand classique Interdit aux chiens notamment. Je diffuserai ensuite Walk This Way d'Aerosmith. C'est sur Toys of the Attic, sorti en 1975. C'est leur troisième album. On peut entendre aussi Uncle Salty, Big Ten Inch Records et Round and Round notamment. Again. suddenly, like a fly in a cup of tea, I'm stern and no longer free to fly away. I think back to the other life that was borrowed the other night. Could it be that it just might drive me wild? Oh, Vous êtes toujours dans la 45e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Guardians of Asgard d'Amon Amarth, It is a Dream de Damned, Rebel Music en live de Bob Marley de Wailer, On est tous des acculés d'OTH et on a fini avec Walk This Way d'Aerosmith. On poursuivra cette émission en live avec Dior Gold d'Avenged Sevenfold, c'est sur Avenged Sevenfold, leur quatrième album studio sorti le 26 octobre 2007. On peut entendre aussi Critical Acclaim, Scream et Afterlife, entre autres. Je diffuserai ensuite Can't Stop Rock'n'Roll, la CDC, c'est sur Stiff Upper Lip sorti en 2000. On y retrouve aussi Safe in New York City, Satellite Blues et Stiff Upper Lip notamment, un excellent album. Je ne sais pas ce que vous pensez du remplacement de Brian Johnson, le chanteur de la CDC, enfin l'ex-chanteur, par Axl Rose, mais moi j'aime pas du tout. Ils auraient dû demander au chanteur qui avait avant Bon Scott, d'ailleurs il attendait pas mieux. Tiens, ça vous dit la dubbing de Saint-Etienne en live? Ok, alors ce sera Paradise, c'est aussi le titre de cet album sorti le 14 octobre 2013. On peut entendre aussi Better Run, Chaque Nouvelle Page et Sounds Good, un top album. Ils préparent un nouvel album et ils sont en tournée européenne. Tiens, ça vous dit un reggae des années 70? Je passerai Natty Kung Fu de Dillinger, c'est sur le sublime Ready Natty Dready, sorti en 1975. On peut entendre aussi Babylon Bridge, Jamaican Collie et Killer Man notamment. On a commencé ce bloc en live, alors on finira en live avec Les Salles Majestés et Je suis fier. C'est sur l'album Bienvenue, paru le 16 octobre 2000. On retrouve aussi Bienvenue, Attention et mon morceau préféré, la rage au fond des cœurs. We'll be right back. near St. Louis. Yeah.

Set up yourself dreadlocks. The automatic pistol remote control. Then it's the menace to match your soul. At the dub it in a power bank. At the dub it in a power bank. The kick like lightning. In the kung fu fighting. Automatic pistol remote control. Then it's the menace to match your soul. Not it up between a power bank. How are them, y'all? They must be mad. 10,000 Babylon don't want to set me free. 20,000 that are out there crazy over me. Roses are red, my love, and violet. But it's a kung fu fighting, and not the kick like lightning. Teach him how the black you never know about that. In the kung fu fighting, but not to set up yourself dreadlocks. Set up yourself dreadlocks. I just a not up, not up, not up, not up, dead up, not up, not up, not up. But not to dally to the temple, or to the concrete temple. And not the dolly down a 3 mile. What do them say? They must be mad. J'espère que vous êtes fiers de ne savoir rien faire. Merci pour tous les feignants. Vous êtes toujours dans votre 45e Vampire Freak sur votre radio favorite et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Dear God en live de Avenged Sevenfold, Can't Stop Rock'n'Roll de AC/DC, Paradise en live de la Dubbing, Nothing Kung Fu de Dillinger et Je suis fier en live des Salles Majestés. On poursuivra cette émission en live avec Rage Against the Machine et Fuck the Police, c'est sur le live de 1996. On retrouve aussi Bullet in the Head, Freedom et Darkness, entre beaucoup d'autres. On va faire un tour en Allemagne. Allez, je diffuserai Alles, was ich wollte de Beethoven. C'est sur le cultissime Traum vom Freiheit, sorti en 2015, leur meilleur album. Pour traduire un peu, Alles, was ich wollte, c'est tout ce que j'ai voulu. Et Traum vom Freiheit, ça veut dire un peu le rêve de liberté. Voilà. On peut entendre Mein Lenzer Tag, Föhrheimer et Ich brauche nicht. Moi non plus, je bois pas. Vous savez, de temps en temps, je diffuse du son culte. Et dans cette émission, je passerai Chameleon de Creedence Clearwater Revival. C'est sur le sublime Pendulum, sorti en 1970. Enfin, la semaine dernière, quoi. On retrouve sur ce chef-d'œuvre Pagan Baby, Have You Ever Seen the Rain et Born to Move, notamment. Et je le dédicace à Françoise qui nous écoute au Puy-en-Velay. Je diffuserai ensuite Pas heureux ni malheureux d'Arnaud, c'est sur le merveilleux Charles Ernest, sorti en 2002. On peut entendre aussi Lola, etc., Ma femme et Je veux nager, entre autres. J'adore cet album. On a commencé ce bloc en live, alors on finira en live avec Deftones et Root, c'est sur Adrenaline, leur premier album sorti en 1995. On retrouve aussi Bored, Nosebleed et Lifter, entre autres. Good evening. We want to just quickly send a nice friendly message to the Fraternal Order of Police in Philadelphia. Here's something nice and friendly. Here's something nice and friendly. Here's something nice and friendly. It goes a little something like this. Fuck the police, coming straight out the underground. A young nigga got his badge 'cause I'm brown. And I'm the undercover, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit, 'cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail. We can go toe to toe in the middle of a cell. Fuck it with me, 'cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Streets up, black police showing out for the eine Bombe in mein Leben geknallt. Ich hatte nicht die Wahl, hast dir mein Leben gekrallt. Warst immer auf der Flucht, die Koffer stets gepackt. Ein Leben zwischen deutsche Vita und total abgefuckt. Denn alles, was ich wollte, war dein kaltes Herz in Flammen sehen. Alles, was ich wollte, mit dir Seite an Seite gehen. Deine herzliche Umarmung hat mich am Ende erdrückt, denn dieses schwarze Blut spielte in deinen Venen verrückt. Wir haben uns betrogen, es war wie im Krieg. Es war ein endloser Kampf, dein Leben hat dich am Ende doch besiegt. Denn alles, was ich wollte, war dein kaltes Herz in Flammen sehen. Alles, was ich wollte, mit dir Seite an Seite gehen. Like a chameleon. I said, what's up? And t'as rien à perdre. Let's get out of this world. Y'a pas de malheur à s'aimer soi-même. Aucune religion peut nous sauver. Quand il reste plus rien, il a rien à casser. On n'est pas heureux. We'll be right back. Vous êtes toujours dans cette 45e Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire un bloc de fou là. Fuck the Police en live, The Rage Against the Machine, Alles was ist Volt, The Betotond, Chameleon, son culte de Creedence Clearwater Revival, Pas heureux ni malheureux d'Arnaud et on a fini en live avec Deftone et en route. J'ai envie de faire un bloc rock alternatif francophone et nouveauté. On commencera en live avec Hubert Félix Thiéphaine et Ere Humanum Est. C'est sur le 15 tour 17 qui vient de sortir en format double CD, DVD et Blu-ray. On peut entendre aussi Angelus, 113e cigarette sans dormir, Bipède à station verticale, entre beaucoup d'autres. Et oui, c'est un double album. J'adore ce live. Tiens, on continuera avec une nouveauté, encore ici de Fidel Fiasco. C'est sur Banal et Paetic, sorti en 2015. On retrouve aussi Albert Noël, El Metro et Va-tu revenir. Il prépare un album et je sais que je serai le premier à l'avoir en Europe. Des nouvelles très très vite. Je passerai ensuite le nouveau titre de Massisteria, Vector Equilibrium. C'est sur le génial Matière Noire, sorti le 23 octobre 2015. C'est l'8e album studio de Massisteria. On peut entendre aussi Chien de la Casse, L'espérance et le refus, et L'enfer des dieux notamment, un album vraiment tip top. Allez, puisqu'on est dans la nouveauté, je diffuserai You're Wrong d'Echo Station. C'est sur Control Voltage, sorti en 2014. On peut entendre aussi Say You're Sorry, Loneliness et War notamment, un magnifique album. On a commencé ce bloc en live, alors on finira en live avec Les Vents Passent et Petite Fille. C'est sur Tout à fond live, paru en 96. On retrouve aussi Trop Précieux, Ce soir c'est Noël et I Need the Rock and Roll, entre autres. We'll be right back. choisi par le hasard à toujours vouloir être ailleurs, pyromane de nos têtes brûlées. On confond les battements du cœur avec nos diesels encrassés. À toujours voir la paille plantée dans la narine de son voisin. On oublie la poutre embusquée qui va nous tomber sur les reins. C'est tellement classe d'être loser, surtout les matins au Saoui. Pour la gueule, erré, erré au Manoumès. Pour la gueule, erré, erré au Manoumès. Toujours plus loin, à fond la caisse, et toujours, toujours plus d'ivresse. Oh yes, all west, on the road again, man. Oh yes, all west, on the road again, man. Pour passer à travers la semaine, pa la pa pa pa la pa pa pa pa la la la. civil. Aïe, aïe, aïe, jamais rien à faire ici, à part de devenir alcoolique. Au risque d'avoir l'air fou, vaut mieux risquer tout pour le tout. Toute façon, l'air que tu prends, ce qu'avance les autres, c'est pas important. Tiens, juste un exemple, moi, tout autour de ma maison, je trouverais ça pas mal plus beau, des pissenlits que du gaz en bas. Thank you. Vous êtes toujours dans la 45e Vampire Flix, l'émission radio, et c'est Spike qui est avec vous. On vient de s'écouter Ere Humanum Est de Hubert Félix Thiéfen en live, encore ici, une nouveauté des Fidel Fiasco. Ils sont du Québec, les Fidel Fiasco, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Vector Equilibrium, nouveauté de Massisteria. Yo Long, encore une nouveauté d'Echo Station. Et Petite Fille en live. J'ai envie de métal symphonique. Je diffuserai Dimmu Borgir de Dimmu Borgir. C'est sur Abracadabra, sorti en 2010. On peut entendre aussi sur ce magnifique album Born Treacherous, Getaways et Ritualist, mon morceau favori sur cet album. Je passerai ensuite U-Roy et True Confession. C'est sur Superboss, sorti en 1992. On retrouve aussi Rockaway, Things You Love et Don't Stay Away notamment. Tiens, ça vous dit un bon ska ? Ce sera Viva la Ska Revolution de Bad Manners. C'est aussi le titre de cet album de 1997. On peut entendre aussi Pipeline, Bonanza Ska, Return of the Ugly, entre autres. Tiens, un petit coup de dub. Dub à mix et pour qui sonne le dub. C'est aussi le titre de cet album sorti en 2014. On retrouve aussi Valsin Dub, Dub Conquoi et Class War Dub. C'est un groupe très engagé, je les adore. On a commencé ce bloc en live et on le finira en live avec Halloween et Eagle Fly Free. C'est sur Keeper of the Seven Skies Part 2, leur troisième album studio sorti en 1988. On peut entendre aussi You Always Walk Along, Rise and Fall et I Want Out, entre autres. Mr. Editor, won't you please break my story in your magazine? Don't watch that! Take a look at this! I have a picture of it coming out of my musical cocoa basket! I was a lie, cheating fool, treating her so cruel. Broke her heart and made her cry. Broke any rule and that's right. True, true, true confession. You can read the musical story I tell about it. So while the reading still the musical good. Now you don't need to bring your walking stick. Now we'll pick us here. I'm sorry that you didn't know me. You hear that? I will call her up and apologize if I was half the man I should be. Do you hear that? What the brother would say? It's too late for that. Uh-huh. Cause I know she would listen to. Tell him one time, my good brother, exclusive, extraordinary musical shower. I would shower every hour on the hour. Get in my musical tower. Tell your baby be good like you know I should. Cause I'll be never be wrong. Kind of plain on strong. Say it one time. Exclusive musical shower. You can hear the brother say. Tell him about it so good like you know it should. So yeah, yeah. Brother, get on the scene. I beg you to be wicked. Now will you be no jolly bean? When you hit the scene, brother and sister, be keen and be good like you know you should. Wop it one time, tell him about it. I will call her up and apologize if I was half the man I should be. Now say what you want to say. Cause I know she will listen to me. You could do what you want to do. Cause I've got something money can't buy. Love until you, love is all I bring. So baby you got to let it ring, let it ring, let it ring. You can hear what I tell about it. Exclusive legal shower, I would say. So that's my true confession. Let them know that I'm play it back on the trap with the music on the track when I take this taxi. C'était la première heure de gloire de la Révolution. C'était la première heure de gloire de la Révolution. Est collectivisé. Révolution. Révolution. Révolution. Révolution. A revolution. énormément de personnes qui sont solidaires à nos côtés. Ça va prendre de l'ampleur, c'est que le début. Vive la Ska Révolution! Vive la Ska Révolution! Les gars, comme un tas, ça fait un peu de size. on a énormément de personnes qui sont solidaires à nos côtés. Ça va prendre de l'ampleur, c'est que le début. Yeah. On vient de se faire un bon bloc là. Dimmu Borgir de Dimmu Borgir, True Confession de U-Roy, Viva Alaska Revolution de Bad Manners, Pour qui sonne le dub de Dubamix, et on a fini en live avec Eagle Fly Free d'Halloween. Cette 45e Mampire Pricks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Fix, l'émission radio. Cette semaine, j'ai envie de mettre un générique live. Vous avez été nombreux à me dire que vous appréciez. Alors, on clôturera cette émission avec Alpha Blondie et Assini Mafia. C'est du live à Bercy en 2000. On peut entendre aussi Black Samurai, Sweet Fanta Diallo et Journaliste Endagé notamment. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Salut à toutes et tous, la tribu !